Chapitre 9e, la maison Trouin. Quand vous irez à Saint-Malo, n'oubliez pas une des plus grandes curiosités de cette ville. Faites-vous conduire rue Corne de Serre en face de la poissonnerie. On vous y montrera 4 maisons de bois sculptées. Vous reconnaîtrez ces belles cages ouvragées à grand prix où nos aïeux vivaient à jour entre 4 murs de verre et qui, épargnées par l'incendie depuis 3 siècles, tombent aujourd'hui sous le marteau des bandes noires. Vous vous arrêterez devant la dernière de ces 4 maisons. C'est la plus importante et la plus curieuse, disons aussi la plus vénérable et la plus illustre, car là naquit et vécut le grand homme dont nous vous racontons la jeunesse. Cette maison, en un mot, est la maison du Guet-Rouin. Tout le monde à Saint-Malo la désigne encore sous ce nom glorieux. Un spéculateur vient de la dénaturer sous prétexte de l'embellir, pour la louer aux baigneurs anglais. Mais nous avons eu le bonheur de la visiter avant qu'elle fût remise à neuf, et lorsque l'imagination pouvait encore y ressusciter notre héros au milieu de sa famille et de ses habitudes. En voici l'exacte description telle que nous la retrouvons sur notre journal de voyage. L'édifice à 3 étages en saillit l'un sur l'autre, ce qui le fait remonter pour le moins au XVIe siècle. La façade est toute en bois sculpté et en petits vitraux, quelques-uns splendidement coloriés. Cela devait être autrefois d'une grande richesse et d'une rare élégance. À Saint-Malo, la ville de pierre, il n'y avait pas alors de luxe plus coûteux que le bois. Voilà pourquoi de telles habitations étaient le privilège des familles opulentes. Ce ne fut guère que sous Louis XIV que les riches malouins élevèrent leurs grandes maisons de granit. Encore les boiseries dorées de ces maisons sont-elles leur première magnificence. La porte de l'hôtel Trouin est très étroite. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une porte bâtarde. On voit au-dessus un écusson aux armes de la famille avec 2 lions pour support. 5 autres écussons, formant cariatide, terminent les 5 montants de la façade joints entre eux par des grilles en fer. Les cariatides du premier étage sont des soldats armés d'épées coiffés de tricornes. Le premier et le deuxième étage ne forment qu'un grand vitrail enchâssé de plomb. C'est au troisième qu'on voit encore un reste de verre colorié. Le rez-de-chaussée contenait les bureaux et les magasins où s'enregistraient et s'entassaient les marchandises que les Trouins échangeaient avec l'Espagne et ses colonies. La porte de ces magasins est surmontée d'encre et d'autres insignes maritimes. Une allée obscure, mais boisée soigneusement, conduit à l'escalier dont la cage étroite est aussi ornée de moulures. Tout le devant du premier étage est occupé par un grand salon enrichi de panneaux, de poutres et de traverses sculptées. À droite, une cachette est pratiquée dans le mur. C'est là qu'on déposait le trésor de famille, l'or, les bijoux et les papiers précieux. 4 fenêtres à vitraux devaient inonder la pièce de lumière, car au lieu des maisons qui bordent maintenant l'autre côté de la rue, on avait pour horizon l'ancien rempart de la ville, le port animé par les vaisseaux et la perspective de l'océan. La cheminée est petite, mais on juge de la recherche de ses ornements par des traces de peinture à fresque. Sur le derrière de l'étage sont des chambres boisées, sculptées, vitrées comme le reste et donnant sur une petite cour où survit un énorme rocher. Ce rocher, contre lequel la mer brisait autrefois, s'élève jusqu'au 3e étage. On présume qu'il a été taillé à vif pour faire place à l'habitation. Du 2e et du 3e étage, composés de chambres diverses, on voit l'eau suinter sur les flancs noirs de la pierre et des fleurs sauvages montrer la tête à ses anfractuosités. Son sommet portait encore, il n'y a pas longtemps, un pommier superbe. Un souvenir moins riant et plus ancien se dresse au-delà du même rocher. Tandis qu'il s'appuyait d'un côté à la maison Trouin, il soutenait de l'autre la maison du fossoyeur et l'ossuaire du cimetière de Saint-Malo. La pioche ne peut fouiller en cet endroit sans y rencontrer des ossements. Tels sont les restes de la maison où M. Trouin de la Barvinet fêtait la bénédiction de la Gabrielle, le mardi gras de l'année 1690.